إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue et on termine inshallah dans ce cours ce qu'on avait déjà commencé et qui était en rapport avec le takfir et qui est la continuation bien entendu des cours qui sont basés donc sur le terme du kufr, la mécréance, et donc qu'on a suivi à travers les questions et réponses de Cheikh Hafiz Ibn Ahmed Al-Hakami rahmatullah alayh dans son livre A'lam al-Sunnati al-Manshura. On a vu le dernier cours pour ce qui était du takfir al-Mu'ayyan, takfir al-Mu'ayyan, qu'il y avait des shurut, qu'il y avait des mawani, des shurut, des conditions, et qu'il y avait ce qui allait empêcher ce hukm-là du takfir. Parmi les shurut, on a dit qu'il y en avait quatre. On avait cité la première condition, qui était que la personne sur qui ce hukm va être appliqué, il doit être baligh ou aqil. Donc, il a atteint l'âge de la puberté. Et qu'il soit donc doué de raison. On a vu également comme condition que le kufr, la mécréance, advienne de la personne de son choix délibérément, sans donc aucune contrainte, et tout ce qui rentre sous cela. C'était la deuxième condition qu'on avait également détaillée et développée. La troisième condition, on avait parlé de al-hujja, donc de la preuve, l'exposition de la preuve, la démonstration de la preuve. On avait également expliqué ce que voulait dire iqamatul hujja. Tout cela a été expliqué également dans le cours dernier. La quatrième et la dernière condition, et c'est celle qu'on va développer aujourd'hui, bi'idhnillah azza wa jal, an la yakuna al-mu'ayyan muta'awwilan, c'est-à-dire que celui qui va être concerné par ce hukm du takfir, il ne faut pas qu'il soit donc ce qu'on appelle muta'awil. Muta'awil. Qu'est-ce que veut dire ce terme muta'awil? Qui vient en réalité du verbe awala. Yu'awil ta'wilan. Donc on voit ici le terme ta'wil. Le terme ta'wil que l'on comprend beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'on a déjà expliqué ce terme. Où cela? On a expliqué ce terme lorsqu'on a expliqué les versets du Coran choisis dans le livre bien entendu du Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad Min Kunuz Al-Quran, mais également on a employé ce terme ta'wil lorsqu'on a expliqué tout le chapitre concernant les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, et la croyance des gens de la Sunna et du consensus par rapport à cela. On a également vu expliquer ce terme ta'wil. Et donc, on en a déduit que pour ce qui était du ta'wil, il y avait deux sortes de ta'wil. Celui qui était authentique et celui qui était fasid, celui qui était non valable. Celui qui était authentique, c'est lorsque ce terme ta'wil, il est employé pour désigner l'interprétation que l'on fait du Coran. Et c'est pour ça que le terme tafsir, qui est le plus employé, il est également employé par les savants, parmi les salafs, par le terme ta'wil. Ta'wil al-Qur'an, c'est tout simplement tafsir al-Qur'an, et c'est bien entendu ici une interprétation qui est authentique. Par contre, lorsqu'on parle des attributs d'Allah Azza wa Jal et qu'on entend ce terme ta'wil, ici c'est une interprétation, mais une interprétation qui est fasid, c'est-à-dire interpréter les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal contrairement à ce qu'ils sont dans leur apparence et dans leur vérité à travers le Coran et la Sunna. Ça, c'est un ta'wil qui est facile. Donc on voit que ce terme ta'wil, il a plusieurs sens. Il peut être compris suivant des opposés, suivant des extrêmes. Ala kulli hal, lorsqu'on va parler ici de ta'wil, et bien entendu on l'a dit dans cette condition, Allah yakuna al-mu'ayyan muta'awwilan. Donc muta'awwilan, c'est celui qui va ta'awwala. Ce qu'on dit muta'awwilan, c'est celui qui yata'awwal, c'est-à-dire donc celui qui va faire cet acte d'interprétation. Donc on dit en réalité muta'awwil. On emploie le terme ici muta'awwil. On dit pas mu'awwil, mais on dit muta'awwilan. Mais on va voir que ça revient donc à cela. Ça revient donc à l'acte de faire un ta'wil, donc une interprétation. Et donc pour être plus précis, lorsqu'on dit muta'awwil, c'est bien entendu du terme ta'awwala ou du verbe ta'awwala, yata'awwal ta'awwulan. À la kulli hal, cette condition ici qu'on va développer, et lorsqu'on parle donc de ta'wil, c'est bien entendu ici ce qui va rentrer dans ce qui va être facile. C'est-à-dire que la personne, elle va dire une parole qui est la parole du kufr. Mais cette parole du kufr, elle l'a fait par interprétation. Elle l'a fait par interprétation. Et on va voir, bien entendu, de quelle façon et comment cela advient. Et donc la personne qui va tomber dans cela, dans ce ta'wil, et qui va être en réalité ici mimbab al-khata, c'est-à-dire qui va rentrer dans ce qu'on appelle l'erreur, dans ce qui va être de l'ordre de l'erreur, c'est-à-dire qu'elle va faire une interprétation. Cette interprétation, elle est mauvaise, facile. Elle a fait cela donc par erreur. C'est donc une erreur de sa part. C'est pour ça que on va voir que dans le Coran et dans la Sunna, on va s'apercevoir que an-nusus, c'est-à-dire donc les textes qui vont nous faire part du pardon qui est accordé à celui qui tombe donc dans ce ta'wil, il y en a deux sortes. La première, celles qui sont des preuves dites générales et qui sont donc des erreurs dues à une interprétation, qui est due, cette interprétation, à l'ijtihad, à un effort donc de réflexion qui va être fait dans ce sens. Et bien entendu, on a déjà vu ces preuves, comme le verset suivant, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na aw akhta'na. Donc ici dans ce verset aw akhta'na, ou si nous faisons donc erreur, ici on va se rendre compte que l'excuse va être donnée à ce genre de personnes, ceux qui vont tomber dans cette erreur. Et également la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par Ibn Majah, qui est un hadith authentique, authentifié par Charles Albani et d'autres encore, et qui est la parole suivante, Inna Allah wada'an ummati, c'est-à-dire qu'Allah azawajal a déchargé de ma communauté al-khata, l'erreur, wal-nisyan, l'oubli, wa mastakrahu alay, et ce dont ils ont été contraints. C'est pour ça que Charles Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alay, il dit dans son livre Minhaj al-Sunnah, yaqul wal muta'awwil, donc celui qui fait un acte d'interprétation, al-murti, celui donc qui tombe dans l'erreur, maghfurun lahu bil kitab wa sunnah, c'est-à-dire que il est pardonné, et ceci d'après le Coran, d'après le livre et d'après la sunna. Et ensuite de citer le verset qu'on a cité, Seigneur ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Donc ça c'est le verset, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Ça c'est pour la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est ce qui est venu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a pardonné à ceux qui sont trompés lorsqu'ils ont fait donc cette interprétation. Et parmi ce qu'on va citer, un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari an Abdillah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Khalid ibn al-Walid, il l'a envoyé donc à la rencontre d'une tribu et qui s'appelait Bani Jadhaïma, pour tout simplement les appeler à l'islam. Et ils les ont appelés à l'islam. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit un terme, et ce terme-là, en réalité, ça va être la source de l'ambiguïté. Lorsqu'ils ont répondu à l'appel qui était fait donc par Khalid ibn Walid et ceux qui étaient avec lui, ils vont dire ce terme-là, Saba'na, Saba'na. Ils vont vouloir dire en réalité Aslamna, c'est-à-dire ils vont vouloir dire par ce terme qui va être mal compris qu'ils sont en réalité, qu'ils ont accepté l'islam et qu'ils sont rentrés dans l'islam. Comme bien entendu on l'explique, ont expliqué les savants, et comme on va le comprendre à la suite du hadith. Et à partir de là, comment Khalid il a compris ce terme? Il l'a compris lui par le refus, c'est-à-dire comme quoi il n'acceptait pas l'islam, parce que ce terme veut dire à la base sabana, on le comprend de passer d'une religion à une autre religion, ça ne veut pas dire automatiquement de rentrer dans l'islam, mais ils ont voulu en réalité ici l'islam. Il y a donc une mauvaise interprétation faite par Khalid. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a donc combattus. Il les a combattus, il en a tué donc, et il en a fait prisonniers. Et une fois qu'il les a fait prisonniers, il a demandé à tout le monde de tuer donc les prisonniers. Et bien entendu, Abdullah était présent, et il a juré par Allah, Wallahi la artul asir, c'est-à-dire qu'il a juré qu'il ne tuerait pas donc son prisonnier, celui qui était fait captif donc durant cette bataille. Et il a même dit que les autres ne le feront pas également. Donc il y a eu un khilaf entre Khalid et les autres compagnons. Ils ont été voir donc le prophète. Ils sont revenus au prophète. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a su cette histoire? Farafa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaday faqal Allahumma inni abra'u ilayka mimma sana'a Khalid marratain. Simplement il a levé les mains au ciel le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, ô mon Seigneur, je me désavoue, je suis innocent donc auprès de toi de ce qu'a fait Khalid. Et il l'a dit deux fois. On va voir ici que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bel et bien compris ce qui s'était passé, et qu'il y avait une interprétation de Khalid qui lui avait cru qu'il n'était pas rentré, que ce peuple-là, que cette tribu-là n'était pas rentré dans l'islam, il va se désavouer de cet acte-là auprès d'Allah Azzawajal. Il va se désavouer de cet acte, mais il ne s'est pas désavoué de Khalid. C'est-à-dire il ne s'est pas désavoué de son compagnon, car il savait bel et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam que cela a été fait par ta'wil, ça a été fait donc par une interprétation, bien entendu une interprétation qui est fausse. Ta'wilun fasid. Fata'awwala wa akhta'a. C'est-à-dire donc qu'il s'est trompé. Et c'est pour ça que cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, lorsqu'il parle également de cette question-là, de cette question du ta'wil et de la personne donc alladhi yata'awwal al-muta'awwil, il va nous rappeler ce qui s'est passé avec Khalid. Il va nous rappeler également ce qui s'est passé avec Usama ibn Zayd lorsqu'il a tué une personne qui s'était ou qui avait prononcé la shahada, comme tout le monde le sait. Et lui, Usama, a fait un effort d'interprétation, c'est-à-dire qu'il a interprété cette shahada par quoi? Par tout simplement une protection devant l'épée donc de Usama. Donc il voulait se protéger par là de mourir. Il a dit cette shahada, il l'a interprété comme ça, il l'a tué. Et on sait ce qui s'est passé lorsqu'il est revenu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a expliqué. Et on sait bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est désavoué de cet acte là mais n'a pas désavoué donc son compagnon. Donc tout cela pour bien nous prouver que l'erreur, elle est advenue dans ce qui est de cette interprétation. Et également, un autre exemple que l'on cite, c'est ce qui s'est passé auprès de certains des salafs qui ont permis de boire ce qu'on appelle le khamr, l'alcool. Et ils ont en réalité interprété un verset du Coran qui est fait surat al-Ma'ida, qui est le verset 93, et qui est la parole d'Allah Azzawajal. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. Et donc Omar, lorsqu'il a su cela de leur part, qu'ils avaient donc rendu permis de boire l'alcool, en interprétant ce verset, il les a pardonnés. C'est-à-dire dans le sens qu'il ne les a pas pris par rapport à ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire suivant ce qu'ils avaient donc rendu halal, mais il a donc pris en compte cette interprétation, il ne les a pas rendus mécréants. Et on sait très bien que celui qui va rendre licite ce qui est licite en islam, automatiquement cette personne elle rentre dans le kufr, al-kufr akbar, c'est-à-dire celui qui fait sortir de l'islam. Mais ici, il y a une interprétation qui a été faite. Et Omar en a tenu compte, a pris compte de cette interprétation, c'est pour ça qu'il ne les a pas rendus mécréants. Il ne les a pas rendus mécréants, mais tout simplement, il les a punis par al-jald, c'est-à-dire donc par le fouet, par rapport à leur acte. Pour ce qui est de l'interprétation, il ne les a pas rendus donc mécréants, alors qu'ils avaient fait un acte de mécréance, de grande mécréance. Et c'est ce qu'il a rappelé Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah lorsqu'il dit voilà yukaffar al-shakhs al-mu'ayyan, c'est-à-dire qu'on ne rend pas donc mécréant la personne, l'individu même, hatta taquma alayhi al-hujja, jusqu'à que l'on lui expose et on lui apporte donc la preuve. Kaman jahada wujub as-salah waz-zakah wastahalla al-khamr waz-zina wa ta'awwala, comme celui donc qui va dénier l'obligation de la prière, également de la zakah, et également qui va rendre le khamr licite, de même le zina, l'adultère, wa ta'awwala, et bien entendu qui fait un acte d'interprétation ici. Kama fa'ala as-sahaba fi at-ta'ifatin alladhina istahallu al-khamr, comme ont fait bien entendu les sahaba par rapport donc à un groupe de ceux qui ont rendu le khamr permis, c'est-à-dire donc qu'ils ne les ont pas kaffaru, c'est-à-dire qu'ils ne les ont pas rendus mécréants alors qu'ils avaient fait cet acte là de rendre le khamr licite, mais c'était par acte d'interprétation, en interprétant donc un verset du Coran. Donc on voit bien ici que cela a bel et bien été mis en pratique par les sahaba, et avant eux bien entendu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a jamais fait sortir de l'islam donc par les actes qui ont été cités précédemment, c'est-à-dire le fait de tuer ceux qui ont approuvé l'islam et qui ont donc témoigné. De même avec les fitnas qu'il y a eu ensuite après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et durant donc le temps des sahaba, toutes les fitnas qui sont arrivées, comme nous le rappelle l'imam Zuhri rahmatullah alayhi, il dit waqa'at al-fitnatu wa ashabu rasulillah wa ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mutawafirun, c'est-à-dire donc que cette épreuve, que cette fitna, elle est advenue alors que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient présents, et cela bien entendu en grand nombre. Fa'ajma'u, donc tous ont été d'accord. Anna kulla dammin aw malin usiba bi ta'wil al-Qur'an fa innahu hadar anzaluhu manzilat al-jahiliya. C'est-à-dire qu'ils sont tous mis d'accord que chaque sang, que le sang qui va être versé, et que les biens qui vont être donc pris, ils l'ont été bi ta'wil al-Qur'an, ils l'ont été donc par l'interprétation du Coran qu'ils ont fait. Chacun donc a fait un effort d'interprétation. Et parmi eux, ceux qui sont tombés dans l'erreur. فَإِنَّهُ هَدَرْ, donc c'est tout simplement une perdition. أَنْزَلُوهُمْ مِنْزِلَةَ الْجَاهِلِيَةِ, c'est-à-dire qu'ils l'ont mis ou qu'ils l'ont placé comme cela devenait du temps de la Jahiliya. C'est-à-dire que ça a été fait par interprétation. Ça a été fait donc par interprétation. Ça n'a pas été fait donc par une croyance. Ça n'a pas été fait donc volontairement, mais par une interprétation. Et cette interprétation qui parfois était fausse. Et c'est ce qui arrivait donc même du temps des sahaba. Et donc à partir de là, on voit que, comme nous le rappelle l'imam Zuhri rahmatullah alayh, comme cela donc est rappelé dans le kitab Minhaj al-Sunnah, le Cheikh al-Islam, et également rapporté par l'imam al-Bayhaqi fi Sunan al-Kubra, on s'aperçoit de cette parole du grand salaf, l'imam Zuhri, que tous les sahaba ont tous été d'accord, que tout ce qui est donc advenu est rentré dans ce qu'on appelle le ta'wil, donc dans l'interprétation, et qu'il n'a eu aucune conséquence donc à partir de là, min bab takfir, dans ce qui rentre donc dans le takfir. Ensuite, et on va prendre certaines paroles des grands savants de l'islam, parmi les plus anciens, on va s'apercevoir que tous sont d'accord pour ce qui est de cela, pour ce qui est de celui qui va tomber dans l'interprétation. Comme cette parole de l'imam Al-Khattabi, rahimahullah, lorsqu'il va expliquer le hadith de Iftiraq al-Umma, le hadith du prophète Saint qui parle donc de la division de la communauté, et qu'elle se divisera donc en 73 sectes. Il nous dit, l'imam Al-Khattabi, فيه دلالة على أن هذه الفرقة فيه دلالة على أن هذه الفرق كلها غير خارجة من الدين. C'est-à-dire que il y a dans ce hadith une preuve que toutes ces firaq, que toutes ces sectes ne sortent pas donc de l'islam. Tout, elle ne sort pas de l'islam. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, إِذْ قَدْ جَعَلَ هُمْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّهُمْ أُمَّتَهُ وَفِيهِ أَنَّ الْمُتَأَوِّلَ لَا يُخْرِجُ مِنَ الْمِلَّةِ أَوْ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْمِلَّةِ وَإِنْ أَخْطَأَ فِي تَأْوِيلِهِ. Et donc, pourquoi cela? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a tous placés dans sa communauté. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, min ummati, il a dit, de ma communauté. Et donc, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas possible qu'on les rende dans le kuffar. Et même s'ils sont entrés donc dans ces sectes, même s'ils sont entrés dans ces 73 sectes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, qu'il va en déduire également l'imam al-Khattabi de ce hadith. Il dit, wa fihi anna al-muta'awwila la yakhruju min al-millah. C'est-à-dire que, celui qui tombe donc dans le ta'wil, celui qui interprète, il ne sort pas de là. De la milla, il ne sort pas donc de la confession de l'islam, il ne sort pas donc de la religion de l'islam, donc il reste musulman. Ou in akhta fi ta'wili, et même donc s'il se trompe dans son interprétation, fi ta'wili. Il va nous dire également, bien entendu, cette parole est prise de l'imam al-Khattabi dans son fameux livre, Ma'alim al-Sunan. Et également une parole de Ibn Qudama, fi kitab al-Mughni. يقول رحمة الله عليه وقد عرف من مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة ومن بعدهم. Il va nous dire, il a été connu du madhab des khawarij, le fait donc de rendre mécréants beaucoup de gens parmi les compagnons et ceux qui sont venus après eux. واستحلال دمائهم وأموالهم, et qu'ils ont donc rendu permis leur sang et leurs biens. واعتقادهم التقرب بقتلهم الى ربهم, c'est-à-dire également leur croyance que lorsqu'ils les tueraient, ils se rapprochaient d'Allah Azza wa Jalla, c'est-à-dire un acte d'adoration par là, un acte de rapprochement auprès d'Allah Azza wa Jalla, de par quoi? De par leur قتل, de par donc leur assassinat. ومع هذا لم يحكم الفقهاء بكفرهم لتأولهم, c'est-à-dire il dit, avec tout cela, Al-Fuqaha, c'est-à-dire donc les jurisconsultes, ils n'ont pas appliqué sur eux le hukm du takfir, c'est-à-dire ils ne les ont pas rendus mécréants, lita'awulihim, c'est-à-dire de par leur interprétation qu'ils ont fait, les interprétations qu'ils ont fait, donc des versets du Coran, etc. وكذلك يخرج في كل محرم استحل بتأويل مثل ذلك أو مثل هذا بتأويل مثل هذا. Et il nous dit donc également qu'on va appliquer cela dans tout ce qui va être interdit et que l'on a rendu licite à partir donc d'une interprétation. Donc ça va rentrer dans ici Nafs al-Bab. Ça va rentrer donc dans le même chapitre. C'est-à-dire que la personne qui va rendre licite une chose qui est licite, mais qui l'a fait par donc une interprétation, parce qu'elle, elle a compris, et de la façon dont elle l'a interprété, comme cela bien entendu est arrivé du temps des Sahaba avec ceux qui avaient rendu Al-Khamr permis, alors de même on n'applique pas sur eux le hukm du takfir, parce qu'il y a cette barrière ici et qui est la barrière donc du ta'wil. Et on est bien entendu fi shurut al-takfir, on est bien en train de parler de shurut al-takfir. Également cette parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, pourquoi? Parce qu'il est important de citer ici les paroles de tous les grands savants de l'islam, ceux qui ont donc brillé de par la pureté de leur croyance et de par la révélification du madhab des salaf. Il dit, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, kama fi kitabihi Minhaj as-Sunnah, yaqul innal muta'awwil alladhi qasduhu mutaba'atu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire celui qui va donc interpréter, qui va tomber dans l'interprétation, mais dont son intention, qasduhu, c'est de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inam. Des gens qui tombent dans l'erreur, mais dont leur niya c'était de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yaqul la yukaffar, wa la yufassaq. C'est-à-dire qu'on ne va pas le rendre mécréant. Et on ne peut le rendre également pervers. Ici la grande perversité bien entendu. Idha ijtahada fa akhta. Lorsqu'il fait donc un effort d'interprétation, et dont le résultat est l'erreur, fa akhta. وهذا المشهور عند الناس في المسائل العمليه, c'est-à-dire que cela est ce qui est connu chez les gens de façon générale dans les questions qui sont en rapport avec donc les actes, في المسائل العمليه. واما مسائل العقائد, par contre pour ce qui est des questions qui sont en relation donc ici avec les croyances, فكثير من الناس كفر المخطئين فيها. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont rendu mécréants ceux qui se sont trompés dans ces questions-là de croyance. Et il nous dit وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. C'est-à-dire qu'il va nous dire que cette parole وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان, que cette parole n'est pas connue, le fait donc de rendre mécréant de par un effort d'interprétation de la personne donc qui va se tromper de par cela, et même si cela a un rapport avec la croyance. Il dit que cela donc, cette parole, de fait donc ici d'appliquer ce hukm du takfir, n'est pas connue chez un seul parmi les sahaba, et même ceux qui les ont suivis de la meilleure des façons. Il nous dit wala an ahadin min a'immatil muslimin, cela donc n'est pas connu également chez un des grands savants, des grands imams parmi les musulmans. وَإِنَّمَا هُوَ فِي الْأَصْلِ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ الْبِدَعِ. Et en réalité, cette parole-là, donc, lorsqu'il dit parole, donc, c'est ici le hukm du takfir, le fait de faire sortir la personne de l'islam de par donc son interprétation dans ce qui concerne la croyance. Il va nous dire donc que cela, à l'origine, ça fait partie des paroles et donc du procédé des gens de l'innovation. الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم. Ceux donc qui vont innover et qu'ensuite ils vont donc rendre mécréants ceux qui vont aller à l'encontre donc de leur. كالخوارج والمعتزلة والجهمية. Comme donc les خارجيتes, comme les معتزلتes, comme les جهميتes également. Ces gens-là, c'est eux en réalité et c'est leur madhab, le fait qu'ils rendent donc mécréants les gens lorsque ils vont à l'encontre de leur croyance, lorsqu'ils vont à l'encontre de ce que ils croient. Taïeb, ça donc c'est leur minhaj. Par contre, minhaj al-sunna wal-jamaa, ils ne rendent pas mécréants les gens lorsqu'ils se trompent dans la croyance, lorsque cela est dû donc à leur interprétation, est dû donc à leur compréhension. Également une parole qu'on va citer de l'imam Ash-Shir Sa'di rahmatullah alayhi. De l'imam Ash-Shir Sa'di rahmatullah alayhi. Regardez ce qu'il va dire également sur cette question qui est wallah une question qui est très importante. يقول ان المتاولين من اهل القبلة الذين ضلوا واخطأوا في فهم ما جاء به الكتاب والسنة مع ايمانهم بالرسول واعتقادهم صدقه في كل ما قال وان ما قاله كله حق والتزموا ذلك لكنهم اخطأوا في بعض المسائل الخبرية او العملية فاولئك ضل الكتاب والسنة على عدم خروج من الدين وعدم الحكم لهم باحكام الكافرين واجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون ومن بعدهم من أئمة السلف على ذلك. Il va nous dire l'imam Sa'di rahmatullah alayhi fi kitabi al-irshad ila ma'rifat al-ahkam. Il va nous dire que ceux qui sont tombés donc dans l'interprétation, parmi les gens de la Qibla, parmi les gens donc de la Qibla, ceux qui se sont égarés et qui se sont trompés dans la compréhension de ce qui est venu dans le livre et la Sunna, avec bien entendu ici des conditions qu'on va voir, et cela on va ensuite le résumer. On va voir également lorsqu'on parle de Muta'awil, qu'est-ce qu'on entend par Muta'awil à travers donc ces paroles qu'on a citées des grands savants de l'islam. Il va nous dire ma imanihim bir rasul, bien entendu avec leur foi au prophète, la foi qu'ils ont bien entendu au prophète, et également leur foi qu'ils ont et leur croyance qu'ils ont par rapport donc à sa sincérité au prophète sur salam dans tout ce qu'il a dit, et que tout ce qu'il a dit bien entendu auprès d'eux c'est la vérité, et qu'ils se sont donc accrochés à cela, mais comme il nous dit ils se sont trompés dans certaines questions qui sont donc de l'ordre de l'information, qui sont en relation avec Al-Khabariya, donc tout Al-Akhbar, toutes les informations qui sont venues dans le Coran et dans la Sunna. Et également Al-Amaliya, tout ce qui est en rapport donc avec l'acte, qui rentre dans le domaine de l'acte. Il nous dit que tous ces gens-là, le Coran et la Sunna, nous a indiqué par rapport donc à leur cas, qu'ils ne sortaient pas de la religion. Al-Adami Khuruji min ad-din. وعدم الحكم لهم بأحكام الكافرين, et qu'on ne pouvait appliquer sur eux les lois qui sont propres aux mécréants. Il nous dit وأجمع Ici, jma'a, c'est donc un consensus. C'est donc un consensus. Ou ajma'a as-sahabatu, radiyallahu anhu. Un consensus des sahaba. Wa tabi'un. Également de ceux qui les ont suivis, leurs disciples. Wa man ba'dahum. Et ceux qui les ont également suivis. Parmi les pieux prédécesseurs. Des imams parmi les salafs, ils sont tous accordés à cela. Ce qu'on a cité, donc, ce qu'il a cité le shir auparavant. À partir de ces paroles des savants, on va s'apercevoir donc, pour bien comprendre ce qui va rentrer dans le ta'wil et ce qui va être en relation avec la personne qu'on dit muta'awil, on va s'apercevoir dans un premier temps ce qui est en relation avec cette personne même, celui qui va s'appeler muta'awil. Il faut qu'il soit donc musulman. Il faut qu'il soit donc également croyant. Et c'est ce qu'on a vu donc à travers les paroles de ces savants. Lorsqu'il nous dit, l'imam Sa'di, « Innal muta'awil min ahli al-qibla » Min ahli al-qibla dans un premier temps. Également lorsqu'il a dit, « Ma'a imanihim bil rasul wa i'tiqadihim sidqahu fi kulli ma qal » Il faut que la personne soit de ces gens-là pour qu'on le considère donc comme muta'awil. Et contrairement donc « Kuffar » ou « Al-Zanadiqa » et ceux qui se cachent donc derrière eux ce qu'ils appellent le ta'wil, mais en réalité leur kouf est le véritable kouf et qu'il n'y a aucune excuse par rapport à ce qu'ils appellent eux le ta'wil, comme Rafida, comme les Rafidites, les Shia et tous ceux donc qui les ont suivis et qui ont en réalité pris leur religion comme le mensonge lorsqu'ils parlent eux de ta'wil, tout simplement pour tromper les musulmans. Ayadun billah. Ces gens-là ne sont pas considérés comme musulmans, ils ne sont pas considérés comme mu'minan, aslan, de par la base même. Donc eux ne rentrent pas, bien entendu, dans cela. Également, le deuxième point que l'on va tirer des paroles des savants, c'est ce qui est en relation avec al-maqsad, al-ba'if al-ta'wil, c'est-à-dire ce qui a poussé la personne à rentrer dans cette interprétation. Qui était donc le but de cette interprétation. Et il faut que le qasd ici, de cette personne-là, il faut qu'en réalité ça soit talab al-haq, c'est-à-dire rechercher la vérité. Et c'est ce que nous a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dans ce qui a précédé, lorsqu'il a dit « Inna al-muta'awwil alladhi qasduhu mutaba'atu al-rasul sallallahu alayhi wa sallam » c'est-à-dire donc celui dont son qasd, celui donc son intention est de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La yukaffar. Celui réellement qui a donc l'intention de suivre le prophète. Beaucoup de gens, leur intention c'est suivre le prophète, mais ils se sont trompés de par leur interprétation, de par leur fausse compréhension. Mais, si on regarde vraiment leur niya, ces gens-là, ils ont voulu chercher la vérité. Mais ils se sont trompés, ils se sont égarés. De par donc cette restriction, on va faire sortir les gens de la passion. Ceux en réalité qui connaissent bel et bien la vérité, et qui connaissent bel et bien ce qu'indique Al-Nusus, mais de par leur shahawat, donc de par leur passion, et de par donc leur niya, ne veulent pas suivre cette vérité. Et ils continuent donc, et ils se plaisent, ce qu'ils vont eux appeler ta'wil. Également, lorsqu'on parle de ta'wil, c'est ce qui est en relation, et le troisième point ici, c'est ce qui va être en relation avec le ta'wil lui-même, c'est-à-dire la catégorie du ta'wil lui-même. C'est-à-dire qu'il va avoir des interprétations, et on va reprendre ici, par rapport à cela, une parole du Cheikh Ibn Hajar, Al-Hafidh Ibn Hajar, Rahimahullah, qui va ici donc nous faire prendre conscience que lorsqu'on parle de ta'wil, il va nous dire, qala al-ulama, bien entendu, en se référant à son expérience et tout ce qu'il a lu, bien entendu, des savants parmi les salafs. Donc il va nous dire, hadha fi fath al-bari, dans l'explication de Sahih al-Bukhari, il va nous dire, qala al-ulama, kullu muta'awil ma'dhurun bi ta'wili, c'est-à-dire, chaque personne qui est tombée dans l'interprétation est excusée de par cette interprétation même, donc. Laysa bi'athim, il n'est pas donc considéré comme un pécheur. Idh kana ta'wilu sa'iran fi lisan al-arab, wa kana la wajhun fi al-ilm. On sait également, c'est des qaïd. C'est des quyud, c'est donc des restrictions que ont posé donc les savants à partir donc cette parole de Ibn Hajar qui nous le rappelle. C'est-à-dire que ce ta'wil, il soit considéré par rapport donc à la langue arabe. C'est-à-dire qu'un ta'wil, On peut donc interpréter ce que l'on va comprendre de la langue arabe. Comme on a vu ce qui s'est passé avec Khalid ibn al-Walid. Saba'ana, lorsque lui il a compris que ce n'était pas l'islam qui était voulu par ça, c'est na'am, c'est tout à fait plausible. On peut comprendre cela, Saba'ana, lorsqu'ils ont dit cette parole-là, alors qu'ils ont voulu l'islam. Donc c'est quelque chose qui est acceptable par rapport donc à la compréhension de la langue arabe. De même donc pour ce qui lui reste. Il se peut que des personnes tombent dans le ta'wil, et si on regarde bien en réalité ce ta'wil, il peut être acceptable, on va dire, par rapport à la langue arabe. Et également il nous dit وَكَانَ لَوْ وَجْهُنْ فِي الْعِلْمِ, c'est-à-dire qu'il a donc également un aspect donc qui va être, qui peut être acceptable au niveau de la science. Ça c'est également ce que l'on va tirer des paroles des savants pour bien comprendre, et celui pour qui on va dire mutaawil. Donc voilà, ça c'est pour la quatrième condition. Ça donc c'est pour la quatrième condition. Donc on va voir que ces conditions sont nombreuses, et que ces mêmes conditions il faut bel et bien les comprendre, et il faut bel et bien savoir les appliquer lorsqu'on est en face d'un hukm qui est donc en relation avec le takfir et qui va concerner donc une personne bien précise. Et donc on s'aperçoit que c'est loin d'être évident. Et on va revenir sur ça. Également, un rappel qu'on va faire ici, pour terminer ces cours, et c'est quelque chose qui est important, c'est ce qui concerne donc Minhaj A'immat al-Salaf et ceux qui les ont suivis. C'est-à-dire donc la voix des gens des Salaf et des grands imams des Salaf et ceux qui les ont suivis par rapport donc à ces applications de ces règles-là. On va s'apercevoir, et ça on en a déjà parlé plusieurs fois, non seulement dans ces cours, lorsqu'on avait fait un cours en rappelant ce qui s'était passé par rapport à l'imam Ahmed, rahmatullah alayh. On va s'apercevoir que l'imam Ahmed, qui était considéré de par son épreuve comme l'imam des gens de la sunna et du consensus, et que ce titre-là, on lui l'a décerné, entre parenthèses bien entendu, lorsqu'il a eu cette épreuve et lorsqu'il a passé cette épreuve, comme on l'avait déjà expliqué. Tous les savants ensuite l'ont nommé ainsi, de par donc son mawqif, de par donc sa position devant une fitna qui était, comme on pourrait dire, ravageuse. On va s'apercevoir que l'imam Ahmed, rahmatullah alayh, jamais parmi les trois Khulafa al-Abbasiyin qui ont eu le pouvoir durant son existence et qui ont appelé à cette parole-là, c'est-à-dire, on sait, cette parole du kufr, et qui est donc la parole de dire que le Coran, il est créé. Cette parole du kufr, celui qui dit cela, on l'a vu dans nos cours concernant donc les livres, al-Iman ou bil-Kutub, et lorsqu'on a parlé plus précisément du livre d'Allah, et lorsqu'on a parlé donc de cela, ce qui est entré donc fi khalq al-Quran. On a vu les paroles même de l'imam Ahmed qui disait que celui qui dit cela est un mécréant. Malgré cela, il n'a jamais rendu mécréant, durant toute cette épreuve, une personne parmi eux. Et parmi eux également, ces trois khulafa, les trois donc califs, que ce soit le Ma'moun, que ce soit le Mu'tasim, et que ce soit ensuite Al-Wafiq. Et on se rappelle également ce qui avait été cité durant le cours, cette parole de l'imam Ahmed, rahmatullah alayh, à la fin donc de cette épreuve, lorsqu'elle fut terminée cette épreuve, lorsqu'il avait dit, rahimahullah, kullu man dhakarani fa fi hillin illa mubtadi'an wa qad ja'altu aba ishaq yani al-mu'tasim fi hillin wa ra'aytu Allah yaqul wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum. Il va dire l'imam Ahmed, après tout ce qui s'est passé, que tous ceux qui l'ont rappelé, et tous ceux donc qui ont parlé sur lui, et tous ceux donc qui ont été à l'origine de son mal, il dit fafi hillin, c'est-à-dire tout simplement qu'il va les excuser. El hill ici, c'est qu'il va les excuser. Il va donc les faire rentrer sous son excuse. Il dit illa mubtadi'an, sauf le mubtadi', sauf l'innovateur. Et il va dire waqad ja'altu aba ishaq, c'est-à-dire donc el mu'tasim, celui donc qui était à la tête du pouvoir, el khalif, el calife donc. Khalifa donc, le calife de son temps, fi hillin, c'est-à-dire donc qu'il va l'excuser. Donc en plus, qu'il ne l'a pas rendu mécréant de par sa parole, et de par ce dont il a appelé, et de par ce qu'il a contraint tous les gens de son époque, parmi tous les savants de son époque donc, à dire cette parole-là, il va dire qu'il va l'excuser. Tout simplement parce qu'il sait, Imam Ahmed, que ces gens-là, ils ont été trompés par les innovateurs. Et que cette parole leur a été embellie. Et que ils ont, eux, interprété, et donc ça a bel et bien été par rapport à eux, une interprétation. Donc dans ce sens-là, l'imam Ahmed n'a jamais appliqué, de par ce mania, de par ce qui va empêcher donc ce hukm-là, il n'a jamais appliqué donc le takfir sur ces gens-là. Un exemple que l'on donne également, c'est Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, durant toute sa vie et tout son grand jihad qu'il a fait à travers donc la revivification de quoi ? De la croyance des salafs. Et à une époque où les gens de l'innovation avaient bel et bien donc une emprise de par leur croyance, que ce soit l'Ash'ariyya, que ce soit le Mu'tazila et tout ce qu'il a rencontré Ibn Taymiyyah, on va s'apercevoir que ça a été la personne la plus éloignée de faire entrer une personne sous ce hukm-là, le takfir. Sous ce hukm-là, le takfir. Et c'est pour ça qu'il va dire, rahmatullah alayhi, comme a fait Majmu' al-Fatawa, il dit, هذا مع أني دائما lorsqu'il parle bien entendu du kufr min al-mu'ayyan, il va dire هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني, c'est-à-dire qu'il va savoir celui qui s'est assis avec moi, et que cela donc est une chose qui est continuelle chez lui, c'est-à-dire qu'il ne rend pas mécréant la personne, sauf bien entendu comme il va nous dire أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير والتفسيق ومعصية. C'est-à-dire qu'il est la personne qui va être la personne qui va s'écarter le plus et qui va même réprouver le plus le fait que l'on va affilier à une personne bien précise ce hukm-là, que ce soit de takfir, de rendre mécréant, ou alors de tafsiq, de rendre pervers, ou alors marsia, c'est-à-dire donc de faire rentrer cela dans le péché. Sauf, il nous dit, illa idha ulima annahu qad qamat alayhi al-hujjatu ar-risaliyya. Sauf, bien entendu, si on sait que la preuve lui a été expliquée, c'est-à-dire la preuve lui a été démontrée, lui a été expliquée, lui a été exposée. Al-hujjatu ar-risaliyya, celle donc qui est prise du message, c'est-à-dire du Qur'an et de la Sunna. Allati man khalafa kana kafiran taratan. Celui donc qui va là, aller à son encontre de cette preuve-là, il sera donc un kafir, taratan. Et bien entendu, on va revenir, lorsqu'il dit ça, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, on va revenir à tout ce qu'il a dit auparavant, lorsqu'on a parlé de quoi ? De iqamatul hujja. Wa fasiqan ukhra. C'est-à-dire, dans d'autres situations, il va être un fasiq. Wa asiyan ukhra. Et dans d'autres situations, il va être un asi. Il va être donc un pécheur. Wa inni uqarrir anna Allah qad ghafara li hadhihi al-umma khata'aha. Et il témoigne qu'Allah Azzawajal a pardonné à cette communauté ses erreurs. وَذَلِكَ يَعُمَّ الْخَطَ فِي الْمَسَائِلِ الْخَبَرِيَّةِ الْقَوْلِيَّةِ. C'est-à-dire donc que cela va être général et va englober donc toutes les questions qui sont en rapport avec Al-Khabar, c'est-à-dire tout ce qui est venu comme information du Coran et de la Sunna. Et lorsqu'il dit الْقَوْلِيَّةِ, par rapport donc à la croyance. وَالْمَسَائِلُ الْعَمَلِيَّةِ. Ou al-masail ou al-amaliya, également dans les questions qui sont en relation ici avec les actes. Donc Ibn Taymiyyah nous fait part de lui-même, de son témoignage, de sa propre parole, qu'il était la personne qui s'écartait le plus et qui réprouvait le plus donc le fait de rendre une personne mécréant. Sauf bien entendu si les conditions sont ensuite, comme on les a citées, toutes ces conditions qui ont été citées auparavant, que ce soit al-hujja, et également comprendre qui et le muta'awil, est-ce que la personne est rentrée par là dans ce qu'on appelle le ta'awil et tout ce qu'on a cité. Et bien entendu des exemples, il y en a énormément et beaucoup, on pourra en citer beaucoup des exemples. À la kulli hal, pour terminer ce cours et pour terminer donc tout ce qu'on a dit sur at-takfir, on va reprendre cette parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, cette dernière parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Naam, une dernière chose avant cela, on avait déjà donc insisté dessus le dernier cours, c'est pour ce qui est bien entendu des personnes qui appliquent ce qu'on appelle le takfir, surtout et principalement donc sur ce qu'on appelle le mu'ayyan, la personne et l'individu, sont bien entendu les gens de science, qui connaissent donc les bases au niveau de la foi, qui connaissent les bases par rapport au kufr, qui connaissent donc les bases par rapport au takfir, qui connaissent donc les shurut, qui connaissent également le mawani, et qui savent ensuite non seulement d'un point de vue théorique, mais qui savent également donc les appliquer, et à quel moment les appliquer. Et tout cela, bien entendu, ça demande de la science, ça demande également de al-wara, ça demande également de taqwa, ça demande de la piété. Ça demande donc tout cela. Est-ce que n'importe qui peut faire cet acte-là, l'acte du takfir, si ce n'est donc les gens qui sont considérés dans cette communauté comme les grands, comme les savants? Ce droit de Navar, c'est eux qui ont donc ce droit de regarder sur ces questions-là, car c'est eux qui ont la maîtrise. Cette dernière parole, c'est la suivante de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, kama fi kitab Minhaj as-Sunnah yaqul al-Khawarij tukaffir al-Jama'a. Il dit les Kharijites rendent donc mécréants al-Jama'a, donc le groupe des musulmans, l'ensemble des musulmans, al-Jama'a. وكذلك المعتزلة يكفرون من خالفهم. De même, les معتزلة, ils rendent mécréants ceux qui ont été à l'encontre d'eux. وكذلك الرافضة. Et de même donc les rafidites. ومن لم يكفر فاسق. C'est-à-dire ceux donc qui n'ont pas rendu mécréants, alors ils les rendent فساق. Ils les rendent donc pervers. وكذلك أكثر أهل الأهواء يبتدعون رأيا ويكفرون من خالفهم فيه. C'est-à-dire de même, la plupart des gens de la passion, ils innovent donc des avis et ils rendent mécréants ceux qui vont à l'encontre donc de cet avis. وأهل السنة, et les gens de la Sunna, يتبعون الحق. يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. Et les gens de la Sunna, ils suivent la vérité de leur Seigneur. Cette vérité donc de leur Seigneur, الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم, dont est venu avec le prophète صلى الله عليه وسلم. ولا يكفرون من خالفهم. Et ne rendent pas mécréants ceux qui ont été à l'encontre d'eux. بل هم أعلم بالحق. Bien au contraire, ceux-là, ils sont les gens de la Sunna, les plus savants de la vérité. بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق وأرحم بالخلق. Et ils sont les plus miséricordieux et ils sont les plus cléments par rapport aux gens, par rapport aux créatures. Ce sont eux qui sont les plus miséricordieux, les gens de la Sunna envers les créatures. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.